LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors, attention, on refait tout. Oula. Oula, oula. Big Bang. Il y a un cœur en forme de soleil. Il y a la lune qui sourit, la bouche, les comètes, les rétines des yeux, les étoiles filantes en forme de sourcils, le trou noir, le cerveau. C'est un grand corps. Beau. Il est mince. Un très doux. On a envie de le toucher. De le caresser. On a envie de le toucher. On a envie de le toucher. De le caresser. On a envie de le toucher et de le caresser. La peau de ce corps est blanche. Couleur chair. Rouge. Couleur chair. À couleur chair. Il a une grosse poitrine. D'éclipse de lune. Car quand c'est le soir et la nuit, ça me fait penser à des personnes qui s'aiment, qui ont la soirée et la nuit pour se dire des mots doux et se faire des caresses. Alors bon, maintenant il faudrait qu'on ait un Sylvain qui soit là. Mais ouais. T'as raté tous les rendez-vous. Ah oui. Ah ben oui, je tous. Sens qu'il y a eu de l'éclipse. Il y a de l'éclipse dans l'air. Baptiste Roger, alors j'avais une question, alors c'était par rapport aux comédiens en fait. Alors est-ce qu'il n'y a que des acteurs déficients mentaux ou est-ce qu'il y a aussi d'autres problèmes moteurs, je sais pas, des acteurs aveugles, des aveugles, des sourds, des... voilà. Je sais que Jean-François, qui a travaillé avec nous, il a monté une pièce qui a travaillé aussi avec des sourds, aveugles. Des aveugles, merci Mignot. Ouais. Nous, c'est pas le cas, on n'a jamais essayé, Madeleine. On n'a jamais fait. Non. Ah, oui, parce que... Sinon, on a travaillé avec d'autres personnes, mais qui ne sont pas dans la situation handicap, mais qui sont dans le milieu d'autres choses. On a monté une pièce qui s'appelle Opérette, ouais. Qu'on a joué en 2020 à Rennes. Avec la dernière promo de l'école du TMB à Rennes. Oui, c'est pour répondre à la question. Comme il parlait de Jean-François Auguste, qui est aussi metteur en scène, qui travaille avec nous, avec Malène. Du coup, oui, il y a des acteurs aveugles et malentendants qui jouent sur scène. Ben ouais. Et il y a aussi des handicaps, comme nous, mentaux. Ouais. Et aussi ceux qui peuvent pas marcher, tout ça, où ils ont des problèmes, des membres où ils peuvent pas bouger. Handicap. La hiérarchie des vies. Quatrième épisode, réinventer les fictions, déjouer le réel. Clémence Alza et Assia Khalid. On ne considère pas la personne handicapée, finalement, comme une personne. C'est un petit peu, si vous me permettez le seul mot d'allemand que je connais, c'est une fois de plus das Unheimliche, l'inquiétante étrangeté. C'est Jung, écrivaine. C'est-à-dire que si je reconnais que cette personne, en tant qu'handicapée, me ressemble, alors je peux être handicapée. Et moi, je ne veux pas être handicapée. C'est une des théories qui explique l'homophobie. Si je me dis cet homme, cette femme qui me ressemble est homosexuel, mais c'est pareil, ça veut dire que moi je pourrais l'être aussi et cela m'est insupportable. Et sur la déficience visuelle, il y a aussi une hiérarchie des handicaps, clairement. La déficience visuelle est un handicap que je qualifierais de noble. C'est-à-dire que depuis tout temps, il y a beaucoup de déficients visuels dans la littérature, dans la culture, dans la Bible, dans un peu partout, bon. Et dans les films. Et alors, c'est pas des gens qui sont très très valorisés, mais ils sont là. Bon. Par contre, des sous, vous en avez pas. Même Jésus, je crois pas qu'il se occupait d'un sourd. Il s'occupait de l'aveugle et du paralytique, mais il s'est pas occupé d'un sourd. Les handicapés mentaux, alors là, ils sont à ciao bonsoir. C'est même pas des êtres humains. De toute façon, aujourd'hui, ils sont dans des institutions, on les stérilise, on les empêche de se marier. Je veux dire, bon, c'est pas vraiment des êtres humains, ces gens-là. Bon. Et le handicap physique, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est une jeune femme belle, qui, dans un accident de voiture, perd une jambe et se retrouve championne olympique, ça, c'est génial. Parce qu'en plus, elle est mignonne, machin, ça. C'est terrible. Bon. Le gars qui perd ses deux bras, ses deux jambes avec un requin, qui vous raconte comment il a pété la gueule du requin, c'est génial. Mais bon, le petit gars ou la petite nana qui est née avec un pied en moins et qui en a pris plein la gueule pendant toute sa scolarité, et tout ça, là, c'est quand même beaucoup moins génial. De quel régime d'image ou de représentation des personnes handicapées hérite-t-on ? Freaks, monstres exhibés ou affreux, laids, super méchants, chez Kubrick par exemple. Le plus souvent, conditionnés médiatiquement à être source d'inspiration. Corps déficients à leur performance tout à fait surhumaine. Spectaculaires pongistes sans main lors des Jeux paralympiques. Héroïques car simplement ils existent. Extraordinaires même quand les activités sont tout à fait banales. Cantonné à un humanisme apolitique et larmoyant, et des leçons de vie misérabilistes façon intouchable. C'est ce que la militante handicapée australienne Stella Young appelle l'inspiration porn, la pornographie de l'inspiration. Le théoricien de la danse allemand Kai von Eckels, également handicapé, parle lui d'affect bourgeois de la compassion. Qui a la main sur la mise en scène, la chorégraphie, la narration des corps, des réalités, des expériences handicapées? Sans doute, le ton change-t-il radicalement quand les subalternes peuvent parler. Elena Chamorro, professeure d'espagnol, membre du CLE, collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. En pensant un peu aux représentations culturelles dominantes, il y a un film qui s'appelle Before You, et donc c'est un film voilà, où tout est très caricatural, on a un homme riche, beau. Voilà, il a tout ce qu'il faut, mais la petite faille, c'est qu'il est handicapé. Enfin, la grosse faille, on va dire. Et en face, on a la pauvre fille, pas éduquée, gna. Il tombe amoureux, tout va bien, ils sont amoureux, gna. Mais le gars, il peut plus faire du jet ski, donc, enfin, je caricature moi aussi. Mais du coup, il veut se suicider, quoi. Et puis, il se suicide, donc on le tue. Et en fait, c'est ça. Le personnage handicapé, on le tue. Soit il est inspirant, mais il n'y a jamais des films où on peut analyser. Je ne sais pas quelle est l'histoire de la personne qui a inspiré ce récit, mais peut-être que, en effet, il avait intériorisé le validisme, cette dévaluation sur son corps. Il avait peut-être pas supporté les exclusions, les discriminations. Il était peut-être dépressif de nature. On a eu Mar Adentro avec Javier Bardem. Moi, je me rappelle ce film. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Je sais que j'étais sortie très énervée. Et j'étais avec des amis qui, qui épousaient complètement ce discours. Hein, jusque voilà, tu bouges rien, tu veux mourir, c'est normal. Et j'avais pas les mots pour dire, enfin pas les mots, j'avais pas le discours. Mon discours était pas assez construit pour identifier voilà ce qui allait pas et les biais. Hein, mais on a des récits de mort. Je pense qu'un des mécanismes de domination consiste à enfermer les corps dominés dans des narrations qui les réduisent, au final, à un seul aspect fantasmé. Noenger, chercheuse, performeuse. Il y a un passage dans une chanson d'Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, qui illustre bien cette idée. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. C'est le regard du dominant qui crée et impose une narration que les corps dominés subissent. Et pour moi, on peut parler d'empowerment quand les corps dominés se saisissent des narrations autres que celles qui leur sont assignées. Lorsque j'incarne un personnage, que ce soit dans un texte écrit ou sur scène, je sens une certaine puissance que j'associe à l'impression de me démultiplier, de démultiplier les possibles de mon corps. si on a des représentations aussi hors sol et aussi déconnectées de la réalité, notamment sociale, des personnes handicapées, c'est parce qu'elles sont produites par des personnes qui ne sont à la fois pas concernées et qui n'ont pas de réflexion critique sur ces représentations. Elisa Rojas, autrice du roman Mr. T et moi. Donc voilà, c'est des personnes valides qui ne font que reproduire ce qu'elles ont déjà vu. Et comme ce qu'elles ont déjà vu, ce qu'elles ont déjà lu, ce qu'elles ont déjà entendu n'est pas pertinent sur le handicap et ne fait que reproduire des fantasmes, forcément, le résultat, il est le même exactement. Il n'y a quasiment pas de récit où on est au centre et qui rendent aux femmes handicapées leur agentivité, leur pouvoir de décision, et qui les valorisent sans les survaloriser pour des raisons qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire qui leur rendent leur dignité en fait. Et je pense qu'en étant une personne handicapée, une femme handicapée, et en ayant une réflexion sur ces représentations, j'arrive assez rapidement et sans trop d'efforts à quelque chose de plus juste que ce qu'on peut voir en fait, ou ce qu'on peut lire jusqu'ici. Comment est-ce que vous les qualifieriez juste, ces représentations dominantes ? Elles sont stéréotypées, elles sont ratées, parce qu'en fait, elles ont pour fonction de rassurer les personnes valides sur elles-mêmes. La fonction sociale des personnes handicapées, c'est de rassurer les personnes valides. Du coup, on est toujours sur soit des personnages que l'on peut plaindre, qui seraient le misérable, soit des personnages que l'on peut admirer et qui surpasseraient toutes les difficultés, mais qui, en fait, c'est une fausse admiration. C'est l'admiration de la personne qui ne vous croit capable de quasiment rien et qui constate qu'en fait, si. Donc, c'est un peu c'est le versant de la même médaille, en réalité. Et puis, il y a des déclinaisons autour de tout ça, autour du misérable. Il y a le vilain, c'est-à-dire qu'il est tellement malheureux, intrinsèquement malheureux du fait de son handicap, qu'il en devient méchant, il en va à la terre entière, notamment aux personnes valides, et il fait le mal. Et donc voilà, on gravite un peu autour de ces images-là, qui permettent aux personnes valides, la plupart du temps, de se valoriser, parce qu'elles, elles ont toujours le beau rôle dans l'histoire. c'est totalement éloigné de ce que peuvent vivre les personnes handicapées au quotidien. Tamaka. Un mètre vingt, série argentine diffusée sur Arte en 2021. Juana, ¿te arrepentís de tu falsa confesión de aborto? Che, loco, dale espacio a la compañera. El hecho de que yo haya abortado no debería ser asunto mío. ¿Por qué tendría que importarle a usted o a cualquier otra persona? Bueno, es que generó interés. Seguramente es porque vos en tu condición, tus compañeros consideraron que podías estar en una situación de vulnerabilidad. A mis compañeros no les Zig Blanquer, auteur de Nos existences on dit. Je ne sais pas c'est quoi dans... Alors là, j'étais gosse, mais dans le Condi, il y avait une môme en fauteuil, non, c'est ça? Oh, ça remonte, ok. Mais c'était rare et c'était anecdotique, en fait. Ça n'avait pas de... Ça n'avait pas de matière, en fait. Et je veux dire, très rapidement aussi, quand on est handi, on sent qu'on a un personnage fictif, que ce soit dans un roman ou un film, on sent quand même vraiment bien quand il a été créé par des personnes valides ou quand il est issu d'une culture handi, en fait. Et très souvent, ça colle pas. On voit que c'est soit joué par des personnes valides, soit écrit par des personnes valides, scénarisé par des personnes valides. C'est assez étrange. C'est pas évident à vous expliquer quand c'est ça, mais ça paraît fantoche, en fait. C'est encore plus ridicule. Hein. Quelque part, moi, je sais que je préfère, dans une fiction ou un roman, ne voir aucun personnage handi, plutôt que de voir un personnage qui est une intox, en fait, qui va conforter les valides dans une forme de quota, de « Ah, c'est cool, on a mis de la diversité, de la pluralité, on a un personnage handi, mais qui correspond à rien de la culture et de ce qu'on vit, en fait, quoi, du coup. Ça va être amené à évoluer. Il y a des acteurs, notamment handi, britanniques, qui travaillent vraiment de plus en plus là-dessus et qui sont à la fois des personnes militantes excellentes et qui sont, voilà, dans leur domaine professionnel d'acteurs, d'actrices, des personnes vraiment très chouettes. Donc, patience, mais ça avance doucement, quoi. Lorsque j'étais ado, j'écrivais des nouvelles et j'avais tendance à ne trouver de valeur littéraire qu'à celle qui mettait en scène des personnages valides et des expériences très éloignées des miennes, désinscrites de la réalité de mon corps. Je pensais que pour faire de la vraie fiction, de la vraie littérature, il fallait que mon corps n'apparaisse pas dans mes textes. J'avais l'impression que si je faisais un récit centré sur mon corps, un récit trop près du corps, personne d'autre que moi ne pourrait le porter. J'avais l'impression que ça perdait sa valeur littéraire et que ça ne prenait qu'une valeur testimoniale. Il m'a alors semblé qu'une partie du problème se nouait dans la question de l'identification. Pendant toutes ces années, j'avais eu l'impression, sans pour autant questionner cette impossibilité, qu'aucun lecteur, qu'aucune lectrice, ne pouvait s'identifier à mon corps. Qu'est-ce qui rend impossible cette identification ? Le corps, handicapé, n'est pas neutre. Dans l'imaginaire, les récits sur le corps, handicapé, sont écrits d'avance, ce qui ne laisse pas d'espace au public pour projeter sa propre subjectivité dans ses fictions de corps. Pourquoi votre livre s'appelle « De chair et de fer » ? Ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, en fait. Charlotte Puise. C'est beaucoup inspiré aussi de Frida Kahlo, parce que c'est une personne qui sait que j'aime beaucoup Frida Kahlo, qui du coup a fait le lien avec Frida et connaît quand même beaucoup la colonne brisée, le fameux tableau de Frida Kahlo, avec cette colonne au milieu. Bon, moi, comme j'explique dans mon livre, dans nos types de maladies, on passe tous par une opération du dos vers la préadolescence, parce que voilà, on a des soucis de dos qui s'effondrent. Et donc, on subit tous une opération du dos, donc on a tous notre barre de fer autour de la colonne vertébrale. Donc, forcément, voilà, ça fait des liens avec le tableau de Frida Kahlo. Nous sommes de chair, de fer, d'amour et de colère. Mais bien vivante, puissante, sous nos blessures sanglantes. Nous sommes Frida Kahlo, du haut de sa colonne, des clous trouant sa peau, sa souffrance qui résonne. Nous sommes plaies et cassures, cicatrices et douleurs, sur nos corps, dans nos cœurs, la rage pour seule armure. Et si je suis de chair, de celles qui ont peur, tremblent, doutent, se perdent, pleurent. Je suis aussi de fer, forgée pour résister, droite et fière de lutter. De chair et de fer, vivre dans une société validiste, Charlotte Puiseux, 2022. Frida Kahlo, moi je l'ai rencontrée, j'avais une quinzaine d'années. Un peu au hasard, je prenais des cours d'art plastique à l'époque et c'était ma prof qui en avait parlé. Et oui, bah moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup inspiré, quoi, parce que je retrouvais une part, même si, c'est deux histoires différentes, il y a quand même des choses qui font écho à ma vie, donc j'étais admirative, en fait. Bon, c'est un peu le côté groupie, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'était quelqu'un qui me parlait, quoi. Enfin, sa vie me parlait, sa sensibilité, c'est quelque chose d'un peu difficile à expliquer, mais. Et des violences aussi infligées par le corps médical, peut-être, été infligées par le... Bah, par exemple, après, quand le film est sorti avec Salma Hayek, il y a une scène où elle est plâtrée, il lui plâtre du coup tout le corps et on voit qu'elle souffre vraiment beaucoup. Bah, là, forcément, ça m'a fait penser, oui, à des choses que j'ai vécues, le plâtrage du corps... Quand on a le type de maladie que je peux avoir, c'est des scènes qu'on connaît bien. On nous plâtre de la tête aux pieds, on nous écartèle. Hein, on est accroché à des bandes qui sont accrochées à des barres de fer et on tire en fait pour redresser les corps. Donc c'est des scènes qu'on n'oublie pas en principe. Du coup, oui, dans la scène du film, je revoyais un peu ces images-là. Quoi. Et elle a été une figure aussi positive, en tout cas d'identification. Bah oui, non, mais après, il y a plein de choses. Bon, il y a aussi son engagement politique, sa vie sentimentale, plein de choses qui, pour l'ado que j'étais, étaient fascinantes. Et c'était une figure modèle un peu pour moi, quoi. Le choc nous a projetés en avant. Et une barre d'appui m'a transpercé comme l'épée traverse un taureau. Maintenant, je vis sur une planète de douleur, transparente comme la glace. Mais c'est comme si j'avais tout appris d'un seul coup, en quelques secondes. J'ai vieilli en un instant. Frida Kahlo. Frida Kahlo, pour moi, n'était que un peu comme le Che Guevara, quoi. J'en pouvais plus, on la voit partout. Et récupérée par tout le monde pour dire tout et n'importe quoi. Bon. Il se trouve que, je sais pas, plusieurs personnes, parce que je parle espagnol, parce que je suis brune, parce que, au départ, j'avais un monosourcil, que je n'ai plus, je regrette, et parce que j'étais en fauteuil, j'en sais rien, beaucoup de gens, des amis, m'ont parlé de Frida, m'ont dessiné en Frida, enfin, bon, bref. Et puis, ce qui m'a surtout interpellée, c'est que il y a un collectif d'activistes britanniques qui s'appelle Frida Sisters. Et en Espagne aussi, il y a un groupe de féministes handicapées qui s'appelle les Fridas, avec un Y, Frida. Et je dis, ben, tiens, les femmes handicapées revendiquent la figure de Frida Kahlo. Et j'ai commencé à lire sa biographie parce que je me dis, bon, peut-être que Frida n'est pas là, je sais pas, le personnage, j'aimerais bien savoir qui est ce personnage. J'ai commencé par lire la biographie écrite par Hayden Herrera, qui est l'ouvrage de référence, en fait, qui est à la fois une biographie et puis une étude de l'œuvre. Et c'est vraiment un combo de regard patriarcal et validiste, mais enfin, c'est une analyse biaisée. Par exemple, Frida Kahlo a eu une amie imaginaire quand elle était enfant. Comme beaucoup d'enfants, d'ailleurs, hein, c'est super banal, l'amie imaginaire. Alors, cette anecdote est reprise, pas par Hayden Herrera, mais par, je pense, Le Clésio, qui a écrit sur Frida Kahlo. Et voilà, donc elle s'était inventée une amie imaginaire parce que, vous comprenez, un enfant handicapé, seul, isolé, qui s'évade du monde. Donc on a des fictions qui viennent se superposer au récit réel, à délégitimer la parole, en fait, des personnes elles-mêmes. Enfin, bon, ça c'est une anecdote comme ça, mais sur la vie et sur l'œuvre, ce qui est frappant, c'est elle a fait de sa handicap une force, c'est la figure exceptionnelle, la figure de la femme qui souffrait et qui a peint sa souffrance. Et on a occulté bah, tout le côté militant, communiste, enfin, anticapitaliste. Par exemple, la robe de Tijuana. Bon, à un moment, je pense que Frida elle-même, très tard, quand elle a été amputée, elle a dit, du coup, cette jambe qui est devenue très laide, la robe, elle aura cette fonction. Mais au départ, cette robe, c'était une revendication dans le mouvement mexicaniste auquel elle appartenait. Beaucoup de femmes, d'amis de Frida Kahlo, s'habillaient comme ça. C'était pas au départ une stratégie pour cacher sa jambe. Mais comment ça a été récupéré? Ben voilà, dans l'imaginaire validiste, forcément, tu caches ton handicap, cacher son handicap, oublier son handicap, toutes ces. Et on a complètement, du coup, dépolitisé ça. Et puis, de toute façon, Frida Kahlo, tout ce que. Je veux dire, ses corsets, tout était une œuvre d'art, son corps lui-même. Son corps était un corps politique et un corps devenu œuvre d'art aussi. Et ça a été interprété, surtout ce qui ressort, c'est la stratégie pour cacher une jambe laide. Il y a bon, voilà, énormément de choses, je vous donne deux exemples voilà, du Andy Gaze qui manque pour interpréter, pour analyser Frida Kahlo. Donc là, je me réfère au male gaze, hein, le regard dominant. Donc il y a un regard dominant aussi, et alors ce qui me paraît important au-delà de la figure de Frida Kahlo, c'est de récupérer nos figures culturelles, de revendiquer leur handicap aussi, parce que dans les récupérations féministes de Frida Kahlo, on a beaucoup occulté que c'était une femme handicapée, et ça a une spécificité. Mais je me dis, bon, avec Stephen Hawking aussi, quand il est mort, les discours, ça a été, enfin, il va être libéré de son handicap. Ben non, il était juste mort, quoi, et puis il avait été un militant. Et puis, c'était un homme handicapé qui avait été scientifique. Donc, déjà, avoir des référents culturels qui voilà. Et puis, de leur rendre justice aussi. In this room sits a remarkable woman. She's Miss Helen Keller. She does not see the room or the book that she's reading. She sees nothing. She does not hear the rustling of the curtains behind her. She hears nothing. She is deaf, deaf and blind. But if you enter a room, she will know it. Your lightest footfall will tell her you are coming. For all her years of effort, Helen has never learned to speak clearly. This isn't strange, for since she was a baby, she has not heard a word spoken, nor seen lips forming one. But let Helen, with Polly's help, tell you. It is not blindness or deafness that burns me. Helen Keller et Polly Thompson, en 1954. It is the acute disappointment in not being able to speak normally. It is the acute disappointment in not being able to speak normally. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Helen Keller et peut-être ce qu'elle a représenté pour vous? Je ne sais pas si je serais capable de faire correctement la biographie d'Helen Keller. Ce que je sais, c'est que quand j'étais petite, justement... à peu près sans doute en CM2, quelque chose comme ça, CM2, 6e, j'ai dû lire sa biographie, enfin sa vie, quoi, romancée. Et c'était, je pense que oui, ça faisait partie d'une des premières petites filles handicapées et après femmes handicapées à laquelle j'ai pu m'identifier. Le fait que ce soit quelqu'un qui voulait faire des études, qui a fait des études, qui a écrit des livres, qui est devenue conférencière, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup parce que je pouvais vraiment me projeter et je me disais elle est intéressée par des choses proches que ce qui m'intéresse moi. Et comme en plus elle vivait à une époque bien plus ancienne. Moi, je m'imaginais un peu l'ambiance de la petite maison dans la prairie. Donc, je me disais, si elle l'a fait à cette époque-là aux États-Unis, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi m'engager sur des études et écrire, etc. Donc, c'était extrêmement stimulant de lire sa vie. Et c'était encore plus intéressant en tant qu'adulte de découvrir qu'en réalité, son parcours était encore plus intéressant que ça. C'est-à-dire que malheureusement, à cause des déformations des personnes valides, on a fait du récit de sa vie quelque chose de très d'un peu gnangnan, qui tourne autour justement du dépassement et du rôle de sa préceptrice dans l'apprentissage qu'elle lui a fait de la communication, etc. Alors qu'en fait, c'était quelqu'un d'extrêmement engagé, c'était une militante, elle était de gauche, elle avait une analyse qui allait bien au-delà des difficultés rencontrées par les personnes handicapées, elle s'intéressait aux conditions de travail des ouvriers, etc. Donc c'est frustrant de se dire que, encore une fois, on a effacé ce qui gênait, c'est-à-dire son engagement politique. C'est pas rien d'avoir effacé cet élément de son parcours et d'avoir essayé de faire d'elle justement une figure, une source d'inspiration qui tourne autour du « si on veut, on peut », quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Moins dérangeante. Voilà, moins dérangeante. Et c'est aussi très intéressant de savoir que les gens qui, au départ, étaient des soutiens pour elle et très admiratifs de son parcours et aimaient bien la mettre en avant, se sont retournés contre elle quand elle a commencé à s'engager politiquement et à donner son avis sur des questions de société importantes. Donc là, tout d'un coup, comme elle ne servait plus le bon discours, on a commencé à attribuer à son handicap ses idées politiques pour la dévaloriser, en fait. My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps because it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Michaela Danger. Moi je baigne dans la culture hip-hop. Co-fondatrice du collectif Case Rebelle. Dans le rap américain, cette présence de la souffrance mentale, ça va être très. Ça va s'incarner à travers différents morceaux. The Message, qui est considérée comme la première chanson politique, donc ça sort en 82, c'est Grandmaster Flash and the Furious Five. Et donc c'est considéré comme la première chanson politique dans le hip-hop. Et le refrain, c'est « Me pousse pas parce que je suis au bord du gouffre et j'essaie de ne pas perdre la tête ». Et donc il y a une omniprésence de ces questions-là dans la culture noire qui se manifeste dans la musique, mais voilà, qu'on peut retrouver dans le blues, dans le jazz, etc. Et donc il y a tout un répertoire comme ça, parce que là je parlais de The Message, mais il y a le morceau des Ghetto Boys qui s'appelle Mind Playing Tricks on Me, qui parle de paranoïa, de schizophrénie. Donc c'est des choses qui reviennent très souvent. Il y a le rappeur DMX qui est mort récemment, qui était qui était bipolaire et qui en parlait. Dans le rap français, c'est plutôt des petites touches par-ci par-là. Et c'est vrai que ce qui va me marquer moi, c'est un morceau de Rossé qui s'appelle Au Nomade de l'Intérieur, qui sort en 2006, qui va me parler d'une manière incroyable et qui, je le sais, pour en avoir discuté avec d'autres personnes psychiatrisées, va faire écho aussi également. Ces questions-là, elles se disent depuis longtemps, en tout cas la souffrance se dit par ces canaux culturels-là. Bonjour Clémence. À mon tour d'être désolée de te répondre si tard, j'ai eu beaucoup de boulot. Je pense que, quand on performe avec un corps handicapé, ou plus généralement, un corps dominé, il faut savoir d'emblée faire comprendre que notre corps est acteur de la monstration et qu'il ne la subit pas. Et c'est d'autant plus vrai, dans le cas des corps handicapés, qu'il y a tout ce background des freak shows qui inscrit la monstration de nos corps dans un présupposé obscène et voyeuriste. Il faut dire tout de suite aux spectatrices et spectateurs, je sais que vous projetez sur moi une histoire. Libre à vous. Mais écoutez aussi l'histoire que j'ai choisi d'incarner devant vous. J'étais allongée sur une barque. J'étais toute mouillée. Les cheveux qui dégoulinaient d'eau. Les yeux vides. Les vagues. Remplies d'eau. La mer. Les vagues se soulèvent. Les rochers. Très lentement. M'ont pris. Par moments, je sens la barque. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre, dans le fait de jouer une pièce? Moi, c'est le rapport avec le public. C'est le rapport avec le public. Quand ils sont mous comme des chaussettes, on n'applaudit pas. Mais quand on est content, on applaudit. Morlaix, Centre national de la création adaptée, rencontre entre la troupe Catalyse et des lycéens. Moi, ce que j'aime bien en théâtre, c'est simplement monter sur scène et aussi jouer, prendre le plaisir de jouer avec mes collègues et aussi... le fait qu'on est sur une scène, qu'on prend le plaisir de jouer. Ouais. Et je prends aussi un peu ce qu'il y a d'ici avant. On vient de retourner de Reims il n'y a pas très longtemps. Les gens, ils sont mous. Là, tu te trompes. Hein. Le public, excuse-moi. Le voilà. Public à Reims, t'as pas vu les enfants comment ils étaient? Je m'en fais gaffe. Moi, c'était... Moi, c'est plutôt, j'aime bien jouer parce qu'en fait, je sais pas, j'aime bien m'imaginer des histoires dans ma tête. Parce que souvent, quand on joue au théâtre, en fait, on a un autre, on est quelqu'un d'autre. Du coup, je suis heureux en fait quand je suis un autre personnage et j'aime bien m'emporter avec cette histoire. Puis aussi pour le public aussi, j'aime bien. Et puis le groupe aussi. Parce que tout seul, si je jouerais tout seul, je pense que j'aurais un peu plus du mal à jouer tout seul. Que quand je suis dans un personnage, en fait, ça m'évade, en fait. Ça me permet de penser à autre chose. Parce qu'à la base, moi, dans ma vie, je suis très pensif, en fait. Et je pense beaucoup, et c'est ça qui me stresse. Et souvent, quand je joue dans un rôle d'acteur, en fait, ça me fait du bien. Je pense à autre chose et je stresse pas parce que je suis à fond dans le personnage. Les interprètes de la troupe Catalyse sont des travailleurs en ESAT, c'est-à-dire qu'ils sont avant tout usagers d'une structure médico-sociale et non au régime de l'intermittence, à l'instar des acteurs et actrices valides du spectacle vivant. Il y a 120 000 travailleurs en ESAT en France, des travailleurs sans contrat de travail à proprement parler, dont l'activité n'est pas soumise au code du travail. En règle générale, la rémunération des travailleurs en ESAT est comprise entre 55 et 110% du SMIC, soit environ 4 à 9 euros de l'heure. Les interprètes de Catalyse cotisent à l'assurance maladie, la retraite et ont droit au congé, hormis les congés exceptionnels, mais n'ont pas les mêmes droits en termes de défense collective, tels que le droit de grève ou de se syndiquer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé du naufrage. Je m'appelle Gulliver. Moi, j'adore le théâtre, c'est le rapport moi et Mano, et le public. Comment on joue sur scène, tout ça, mais écoutez. S'il vous plaît, monsieur. C'est le rapport moi et Mano, c'est le roi et Gulliver. C'est un roi qui doute, il doute. Il dit qu'il doute. Ça veut dire qu'il vient là, il doute. C'est toi qui écris le texte. Ouais, c'est moi qui écris le texte. Moi, c'est moi qui ai écrit le texte. Ouais. Ça fait un an que je joue le roi avec Mano. Vous appelez comment? Et je joue aussi le roi sur la révolte aussi. Je me révolte. Le roi, il se révolte aussi. Il dit des choses dures, le roi. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne vais pas dire, c'est la surprise. C'est un souffle. Il veut voir la pièce. Hein? Dans la pièce aussi, je le roi, je joue Cyrus qui danse un peu partout et un immortel qui dit un autre texte qu'à la fin. C'est moi qui termine la pièce. C'est moi qui termine la pièce de Gulliver, c'est moi. Pour moi, le théâtre, j'aime énormément ça, en faire du théâtre, parce que pour moi, c'est me métamorphoser en une autre personne. Par exemple, les costumes, les chaussures, les coiffures et le maquillage, et des fois les bijoux. En fait, tout ça, ça me métamorphose, tout ça. Alors, j'aurais une question. Votre spectacle, Gulliver, vous pourriez nous résumer l'histoire? L'histoire de Gulliver, ce qu'on joue, c'est il y a quatre parties. Il y a une partie où Manon, en fait, qui fait Gulliver, qui n'est pas là. En fait, elle est dans un océan et en fait, elle commence à se noyer en fait avec une tempête. Ouais. Et il y a des l'île de Laputa où il y a des Laputiens. En fait, a vu qu'elle se noyait. Du coup, ils ont envoyé une échelle pour la récupérer. Laputa, c'est une île volante. J'allais venir. Laputa, du coup, c'est une île volante. Du coup, ils ont envoyé une échelle, ils ont la ramenée, et après... Votre céleste grandeur, merci de m'accueillir sur votre île flottante. Je m'appelle Gulliver. Et vous? Un Gulliver. Quelle est la profondeur d'un trou noir? Mais c'est quoi un trou noir? Donc je suis Madeleine Louarn, je suis metteuse en scène depuis de nombreuses années et j'ai fondé l'atelier Catalyse avec Jean-Claude, qui on est là depuis le début quasiment. Ouais, moi j'ai là depuis le début. Tu es là depuis le début, Jean-Claude? Ouais, j'ai là depuis le début. Ouais. Tu te souviens des pièces qu'on a fait? On a fait Sketch, on a fait Gulliver, c'était un homme du songe, le pain des âmes. C'est un homme que nuages, des oiseaux, le prince de Chine. Alice, le monde est merveille. Qu'on a fait Sisyphe aussi, Sisyphe. On a monté un premier Gulliver il y a 20 et quelques années de ça, et il faisait Gulliver à l'époque. Ouais. Et maintenant, c'est Manon qui fait Gulliver. Manon. Mais elle n'est pas là. Gulliver, c'est un spectacle, une nouvelle version et un nouvel concept. Ouais. On a transformé le roman en pièce de théâtre. On a écrit. On avait fait des. Comment ça s'appelle des ateliers d'écriture avec Leslie et Pierre qui transforment mon texte. Une vérité, une mélodie qui mette de l'ambiance, comme manger un barbecue. Je me dis souvent, on parle pour eux. Madeleine Loirne, metteuse en scène. C'est très rare que ce soit eux qui parlent. Et du coup, cette volonté de mettre le théâtre où c'est eux qui parlent, et je pense que là, par exemple, le dernier spectacle où la moitié des textes, c'est eux qui les ont écrits, évidemment, il y a du soutien, puisque certains ne savent pas lire et écrire, donc forcément, on trouve d'autres biais pour que ça puisse se faire, mais ça reste leurs paroles, ça reste eux, ça reste la façon dont leur vision se construit, enfin, et moi, pour moi, c'est, je pense que la prochaine étape, ce sera quand ils vont mettre en scène les choses, quoi. J'aimerais voir ça un jour, et je pense que ça va arriver, mais voilà, il faut, nous-mêmes, en fait, j'ai souvent pensé que les limites qu'on voyait sur un plateau ou qu'on définissait du handicap étaient surtout les nôtres. Notre incapacité à comprendre, à savoir par où ça passe, et nos énervements, nos conventions. Nos conventions, bien sûr, mais tout travail artistique a forcément une nécessité de déplacement. De déplacement, de décalage et d'interrogation sur les processus créatifs, artistiques. Et puis là aussi, ce que vous dites sur la mise en scène, peut-être aussi sur la relation de pouvoir entre le metteur en scène et ses comédiens. On a objectivement un pouvoir considérable. C'est vrai que le théâtre, avec les personnes handicapées, nous oblige à savoir l'influence et la puissance de nos paroles, voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller. Je pense qu'on peut aller très très loin, mais la question de la manipulation, c'est la première question qu'on nous renvoie à chaque fois qu'on travaille avec ces hommes et ces femmes, et elle est toujours là. Hein. Je pense que elle devrait toujours être là, pas seulement pour eux. J'ai imaginé comment je peux trouver mon personnage, comment il est physiquement, comment il marche. À quoi il peut ressembler et s'il est grand, petit, gros, fin, maigre, et les caractéristiques qu'il est. Et t'as écrit quoi dans le texte, dans un de tes textes dans Gulliver? Par exemple, j'ai imaginé une grosse machine pour sur caca. Tu peux dire un peu le texte, ouais. ça va détendre tout le monde, tu vas voir. Qu'est-ce que je peux dire, l'acte 2, par exemple? Non, mais ce texte-là, sur la machine. Ouais, la machine à caca. Parce que j'ai inventé une grosse machine pour évacuer tous les intestins du corps humain, parce que c'est affect. La transpiration de sous les bras, l'odeur des pieds, ça devient un cocktail avec le jus des trous. Le trou du cul, le pied de la gueule, la morphe, l'épais, le dégolis, la chiasse, les hommes qui pètent à la gueule de journée, le gargouille, les rôles, le hockey, tout évacué dans sa coupose par des tuyaux qui partiraient de la gorge, enlever les organes, remplacer l'anus et l'estomac par une grosse machine géante. On fera plus caca, et ça, c'est pas dégueulasse. Qu'en dites-vous? Brutus, sénateur romain et défenseur de la République. J'ai besoin de me présenter, moi. Mais tout le monde ne vous connaît pas. Vraiment? Mais je suis le génie français. J'ai porté le drapeau tricolore jusqu'à Moscou. Je suis le grand homme à qui vous devez tout. Napoléon. Mesdames et messieurs, premier round. Quel est le meilleur régime politique? Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette troupe de théâtre à Catalyse? Moi, ça fait 18 ans. Bien. Non. Dix ans l'année prochaine. Moi, ça fait 7 mois. Au moins. Moi, ça fait un bail que je suis au théâtre. Je sais pas. 10, 20 ans? Non. 35 ans, je pense. 35 ans. Ouais, 35 ans. Ça, ça, ça, oh, j'ai tué César ouais. Pour défendre la liberté. Qui est tyran a toujours été juste. Bravo. Un point pour Brutus. Tristan. Quentin avec un C, je précise. Sylvain. Robic avec un R. Christelle. Bauder. Emilio. Le Tarot. Jean-Claude Pouliquen. Jean-Claude Pouliquen. Mesdames et messieurs, deuxième round. Quelle est la plus belle façon de mourir? L'écriture, on l'a fait avec les dramaturges, Leslie Six et Pierre Chevalier, qui est aussi souffleur dans la pièce. Est-ce que ça, par exemple, c'est commun qu'il y ait un souffleur Alors, c'est assez rare. Maintenant, il y a des oreillettes qui sont cachées, donc on les voit pas. Mais nous, moi, j'adore le soufflage. Dès le premier spectacle, il y a un souffleur. Pour moi, c'est la quintessence même de ce que représente le théâtre. Il y a toujours eu le trou de souffleur dans les théâtres à l'italienne, mais avant aussi, il y a des gens qui sont là pour faire que le jeu continue. Mais le souffleur a cette magnifique... représentation, qu'il est aussi la voix de toutes les répétitions, mais aussi peut-être de tous les gens qui ont joué les pièces de répertoire avant. Il y a une sorte de condensation sur le geste même théâtral que j'aime beaucoup, et j'avoue que c'est une figure que je trouve toujours ravie de remettre en jeu. Mais vous choisissez aussi quelque chose de l'ordre de la mise à nu d'un dispositif aussi théâtral. Oui, mais on sait depuis longtemps que le souffleur dit simplement qu'on fait du théâtre, mais que c'est pas pour ça que la vérité n'est pas là non plus. Enfin, je veux dire, l'artifice ne veut pas dire qu'on ne dit pas des choses justes. Donc voilà, je trouve au contraire, c'est ça qui est puissant dans le théâtre, c'est que on peut avoir toutes les couches en même temps. C'est une fiction. C'est-à-dire qu'il est sans cesse dire c'est une fiction. Ça me paraît absolument indispensable. Ça n'est pas vrai, sauf que la présence est réelle, sauf que l'action existe, sauf que voilà, les corps sont là, les paroles sont là, et ça, ça construit un monde. Ah, le pouvoir, c'est comme les fleurs. Ça pousse mieux de la merde. L'histoire est un mensonge sur lequel on se met d'accord. Et tout le monde pense que la phrase est de lui. Mais je l'ai piqué à mon cuistot. J'aime beaucoup le théâtre parce qu'en fait, ça nous permet de faire des voyages. Ça nous permet du coup de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux paysages et des nouvelles villes aussi. Et peut-être aussi plein de nouveaux pays aussi. Et j'aime beaucoup aussi quand on va boire des verres. Et quand on va manger aussi dans des restaurants. Ça suffit! Ça suffit! Le roi dirige tout le royaume, le peuple dormit, le roi fait la guerre au peuple. Jupiter va faire tout ça. Jupiter va vous massacrer, faire crever de faim le peuple en occupant du soleil. Je vais balancer des bêtes sauvages de l'île pour qu'elles bouffent le peuple. Je vais écraser la terre et mon île et m'enfuir à ce nautique. Parce que le roi se révolte contre la colère du peuple. Le peuple va subir les pires misères. Broyer les opposants de cette grande machine. Larguer les exploser les villes, les tomber l'île sur les villages. La reine de neige a été filmée à la télé. Va commencer en ce temps. Le temps le plein hiver. Les enfants nous font pas de bruit de neige. À haut les montagnes, sur l'eau, sur place. Le bel château est là. Ah ouais, c'est ça la reine de neige. A été filmée. Le temps de petit fille, petit fille. Yeah. aware. Ce que l'on prend en de la part, tout de suite, ils vont y en faire. Donc, que le monde du sait, tu la baignes, c'est de pousser la frère. Parce que l'ami tout le monde est utile, ils en a pas plus que son anniversaire. Il faut aussi réveiller un peu les Noël, c'est une ville. Donc, que tout le monde joue, tu veux jouer club, que tu veux jouer avec moi et toi. Donc, fais des raies de neige. La quête de jeu de neige, on t'offre, tu t'offres, on t'offre. Et aussi, tu nous prends en. Et puis, c'est de réveiller des raies de neige, ils en a pas plus que et tu t'affiches, tu t'affaires. Tous les parents à l'école, et tout de suite, ils en a pas plus que. Bonjour Clémence. Tu me demandes de te parler un peu de ma performance, Quasimodo au miroir. No anger. Il s'agit donc d'une performance que j'ai faite, fin 2018, au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Cela faisait longtemps que je pensais à la figure de Quasimodo. En fait, ce personnage de fiction m'accompagne depuis l'enfance. J'avais 6 ans en 1996, lorsque Disney a sorti son long métrage, Le Bossu de Notre-Dame. Je me suis peu à peu construite, avec cette fiction de corps monstrueux, esclave, puis héros, mais toujours rattrapé par son destin tragique. Pendant l'enfance, j'ai donc côtoyé assidûment ce personnage, rare représentation du corps handicapé, disponible dans les productions culturelles. J'ai toujours entretenu une relation ambivalente à Quasimodo, m'identifiant à lui, malgré moi, craignant d'être lui, ne voulant pas être lui. Il me hantait, ainsi que sa monstruosité supposée. Peu à peu, je me suis cru monstre. Cette narration de corps a fragilisé mon rapport à moi-même, et je l'ai dépassé en recréant d'autres narrations, à partir de la danse, du féminisme, du cinéma. Par cette performance, j'exorcisais en quelque sorte le fantôme de Quasimodo. Sex and disability are two words that you don't often hear together. And if you do, it's like, oh, those people have sex? En 2006, en Californie, les militantes Andy, Leroy Moore et Patty Burns fondent la troupe d'artistes Andy, queer, racisé, since invalid. Au cœur de leur démarche artistique et politique se trouve le concept de justice sociale Andy. À l'origine, ils proposent une performance annuelle, interprétée exclusivement par des artistes handicapés en autonomie. Dans son livre De chair et de fer, Charlotte Puiseux explique que Since Invalid a choisi de se focaliser sur un domaine difficile à déconstruire, celui de la sexualité, du désir, de la beauté. L'objectif est donc de faire prendre conscience de la construction des discours sur le beau, sur la beauté des corps, et sur la façon dont ces discours excluent du champ du désirable et de la sexualité certains corps, à savoir ceux des personnes handicapées, racisées et ou queer. Michaela Danger. Since Invalid, cette organisation à la fois politique et artistique, déjà, si j'essaie de me placer du point de vue des personnes qui participaient à ces spectacles, c'est déjà la capacité de s'exprimer politiquement, de développer des idées, des émotions qui sont politiques, hors du cadre, des cadres traditionnels de la politique, qui sont de toute façon très codifiés, très rigides et qui peuvent être aussi très validistes. Et donc, il me semblait que dans ces spectacles-là, il y avait un espace qui était créé par cette organisation Andy, une forme de désorganisation du monde, une forme d'attentat à l'ordre validiste du monde. C'est évident que la production artistique en autonomie Andy, ça produit quelque chose de révolutionnaire. Parce que le fait est qu'on attend des corps noirs, comme on attend des corps Andy, et donc à plus forte raison des corps Andy non blancs, qui soient divertissants pour être acceptables. Et donc, pour nous, dans notre conception, hein, nos conceptions dans Cave Rebelle, ça nous semble évident que un metteur en scène valide qui invite une ou deux personnes Andy ou un film, etc., qui fait une toute petite place ou qui fait une grande place, mais avec sa lecture, son approche valide, généralement c'est catastrophique. Et l'autonomie, c'est vraiment la clé pour produire de l'inattendu, produire ce à quoi le monde valide psychophobe ne s'attend pas et ne, ce que le monde valide psychophobe ne souhaite pas recevoir. Et cette question de libérer temporairement un espace des imaginaires et inverser, ne serait-ce que le temps de la performance, l'ordre établi. Is this safe? Are you safe? Are you sufficiently insulated from us? The deviant, the disabled, the non-normative, the crippled? Or might you become stained by our leaking needs? Are we, the disabled, the unconscious visceral threat to the able-bodied myth of emotional predictability and bodily control? Réinventer les fictions, déjouer le réel. Avec Christelle Poder, Madeleine Loirne, Tristan Quentin, Sylvain Robic, Emilio Le Taro, Jean-Claude Pouliquin, Noenger, Si Young, Elena Chamorro, Elisa Rojas, Zig Blanquer, Charlotte Puiseux et Michaela Danger. What does it mean to try and learn to move like someone else? When you put the costume on. Prise de son, Fabien Gosset, Olivia Branger, Nicolas Mathias et Bruno Mourlan. I'm the person who brought all these troublemakers together. Documentation Radio France, Antoine Vuillose, Annelise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvan. Merci à Rizzo Boring pour ses conseils et son écoute critique. Handicap, la hiérarchie des vies, une série documentaire de Clément Salzar, réalisée par Asia Khalid. I love the fact I get to dress up as somebody else. Thank you very much.